Chapitre 4. Le désir de régression. C'était donc mieux avant. C'est ce que pensent certaines personnes, nostalgiques d'une époque où il y avait à leurs yeux moins de dérèglements. On peut comprendre leur dénonciation des dérives actuelles de la société, de la corruption de certaines élites. Mais on ne peut pas les suivre dans la généralisation outrancière qu'ils développent. D'abord en politique, pour commencer, s'il est vrai qu'il y a des cas de corruption et que nos élites représentent peu la population, on ne peut pas dire pour autant qu'ils sont... tous pourris, comme j'ai entendu. Oui, il est dramatique de globaliser et de déconsidérer ainsi la politique qui doit organiser la cité, le vivre ensemble. Et pour cela, être un lieu permanent de débats, de confrontations pour préserver et l'intérêt général et la liberté individuelle. Ces dénonciateurs rêvent en majorité de revenir à un système autoritaire où le pouvoir central est puissant, l'autorité rétablie et la nation souveraine. Doucement. D'abord, pouvoir central, c'est quoi ? Pour les plus extrêmes, c'est le retour espéré d'un pouvoir au sommet qui ne s'embarrasserait plus du tout de l'avis de la représentation nationale. Il pourrait décider et imposer l'ordre, c'est-à-dire sa conception d'une société ordonnée. La démocratie est un processus imparfait, complexe, fragile. Mais de là à se soumettre à nouveau à un roi ou à un dictateur... C'est ça l'autorité rétablie ? Pas seulement au sommet, mais aussi dans la famille. Comme à l'époque où le père décidait de tout, la femme et les enfants étaient soumis. À l'époque, à l'école, le maître respecté est punissant. Et à l'usine, le patron obéit et craint. Bonjour l'ambiance. Oui, mais certains regrettent cette époque, car les choses au moins étaient claires. Les règles rigides, mais sécurisantes. Alors qu'aujourd'hui, elles apparaissent mouvantes. La perte de repères stables est anxiogène. Le désir de retour en arrière émane paradoxalement à la fois des plus fragiles et de ceux qui se voient les plus forts. Et l'on voit prôner aujourd'hui, par exemple, le rétablissement du patriarcat, de la peine de mort, de la messe en latin, de l'interdiction de l'avortement, de l'expulsion des étrangers, etc. Certaines revendications communautaires peuvent aussi participer de cette nostalgie d'une identité de groupe forte. Certains veulent sortir de l'Europe, revenir à une monnaie nationale. Attention, il ne faut pas confondre ceux qui regrettent la perte des colonies et ceux qui dénoncent le dogme libéral d'une Europe réduite à la liberté de marché. Les premiers n'acceptent pas la solidarité entre les peuples, le partage. Alors ce que les seconds dénoncent, c'est la dérégulation économique qui accroît structurellement les inégalités. La posture régressive là, dont nous parlons ne vise pas le progrès social, mais un repli frileux à l'intérieur des frontières pour retrouver le bon temps, comme il disait. À l'heure d'Internet, de la mondialisation. Effectivement, c'est à contre-courant du brassage actuel. Et c'est pourquoi on peut parler d'une volonté de régression, de retour à un état stable antérieur. Or, la recherche de stabilité est mortifère. Tout ce qui est vivant est instable, en évolution permanente. C'est comme quand tu fais de la bicyclette. Si tu n'avances pas, tu tombes. Ou alors, il faut des roulettes, des béquilles. La vie est un risque. Depuis notre conception, nous n'arrêtons pas d'évoluer, d'être en interaction permanente avec notre environnement. À chaque instant, ton corps capte et réagit à quantité d'informations externes, par la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, et quantité d'informations internes, par les sensations, le goût, les émotions, les pensées. Tant que je suis vivante. Et même après, tes cellules continueront d'évoluer. Voilà pourquoi, s'il faut dénoncer l'accélération brutale et irraisonnée de notre civilisation, on ne peut pas pour autant rêver d'une stabilité permanente. Bien sûr, nous portons tous en nous la nostalgie de notre vie embryonnaire, quand nous étions bien au chaud dans l'utérus maternel, nous étions bien logés, nourris, dorlotés, si bien que chacun de nous a crié à la naissance, parce qu'il nous fallait d'un seul coup assumer tout seul la lutte contre le froid, et la respiration pour capter l'oxygène et survivre. Il fallait bien sortir un jour du cocon. On comprend alors que certains voudraient revenir à cette situation de dépendance qui nous épargnait bien des soucis. Ne pas avoir à affronter sa propre responsabilité, s'en remettre à une puissance protectrice qui nous dispense d'assumer notre autonomie, qui nous dispense de raisonner, de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences. C'était plus confortable. Il est vrai que les générations précédentes n'avaient pas autant de questions à se poser, de défis à affronter. Par exemple, depuis des siècles, la vie de nos ancêtres était réglée par leur environnement, qui déterminait, sauf exception, leur métier, leur position sociale, leur religion, leurs opinions. Je suis le premier d'une longue lignée à ne plus cultiver la terre, à avoir quitté le village, épousé une fille de la ville. Mamie aussi est sortie des rails ? Tout à fait, même si c'était d'autres rails. Elle a pu faire des études, faire des choix et pas seulement reproduire les habitudes de son milieu. Ce qui te paraît normal aujourd'hui ne l'était pas il y a seulement quelques décennies, surtout pour une fille. C'est comme si on était passé trop rapidement d'une prison à une liberté déboussolée. Et c'est pourquoi certains aimeraient revenir à une époque plus calme. Comment tu les appelles, ces nostalgiques ? Il convient de distinguer plusieurs catégories parmi eux. Les traditionalistes déplorent les évolutions et tentent d'entretenir les rituels de leur enfance. Les fondamentalistes m'apparaissent plus déterminés à lutter même contre des découvertes scientifiques comme la transfusion du sang. Et certaines sectes les encouragent en les protégeant du monde moderne. Ils retournent vivre dans la nature sauvage ? Alors certains mouvements durs se revendiquent écologistes et prônent même la supériorité de la nature sur l'homme. Mais la tendance la plus inquiétante se caractérise par la pensée éco-fasciste, c'est-à-dire un gouvernement autoritaire qui imposerait sa conception d'un ordre dit naturel.